Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la France libre dirigé par Henri Foucrot. Émission préenregistrée le 23 juillet 2014. Elle est diffusée mardi 19 août 2014 de 18h à 21h, mercredi 20 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck et Benoît. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Alors, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale. D'abord, notre Lady ne sera pas présente dans les studios. Et puis, nous enregistrons. Donc, bien sûr, ne téléphonez pas, pas de courriel. Bonjour à vous tous, à ceux qui nous écouteront à 18h, à ceux qui nous écouteront la nuit, et aussi à ceux qui nous écouteront le 20 à 7h30 du matin. Donc, bonne journée à vous tous. Et pour ceux qui sont en vacances ou qui vont partir ou qui vont rentrer, eh bien, écoutez, reposez-vous. Alors, nous allons commencer, comme d'habitude dans notre émission du Libre Journal de la France Libre, par un édito. Au mois de juin, nous avons eu dans ce studio un débat entre le professeur de sciences économiques Alain Cotta et Claude Sicard, un spécialiste de l'industrie. Le débat a été assez tendu. Pour M. Sicard, il fallait ramener l'industrie en France. Fini, terminé, l'industrie de papa a disparu, les émergents la détiennent. Nous ne pourrons jamais lutter contre des salaires 50 fois moins élevés, sans charge sociale, environnementale lourde. Cette industrie-là ne reviendra pas, disait le professeur Alain Cotta. La réponse, en définitive, n'est pas simple. Écartons la politique protectionniste à tout craint qui ne servirait pas à grand-chose. Le marché intérieur ne peut plus satisfaire l'offre. Par contre, préservons l'essentiel, car nous risquons d'en être privés en cas de crise grave. Maintenant, nous devons promouvoir l'industrie de demain, celle issue de la révolution technologique, en privilégiant les micros, les nanotechnologies, le numérique et les choses en hic. Avons-nous saisi, maîtrisé, conservé les effets de la troisième révolution industrielle qui date de 1965, l'ordinateur, la puce, les réseaux de télécommunications, les satellites, les optiques, la génétique, la biotechnologie, la nanotechnologie, l'analogie, le numérique, l'accumulation et la dissémination de l'information. Ce qui est sûr, c'est que nous ne maîtrisons toujours pas l'ouverture du marché, le mondialisme, la concurrence qui amène à tuer l'autre. Important l'industrie ? Regardons juste les chiffres. Elle est passée de 24% à 10% du PIB, nous faisant perdre ainsi 308 milliards de recettes annuelles. Pour les employés, elle est passée de 5 327 400 employés à 3 414 000 employés. Elle est passée donc de 22 à 12% de la population active, perdant 36% de ses effectifs, dont 2 millions d'emplois. Alors, relativisons ces chiffres. Jacques Myard, député de la Nation, le notait dans son rapport d'information numéro 3747, une partie de la désindustrialisation peut être expliquée par un mouvement d'externalisation des services. C'est vrai, l'externalisation des services, c'est le transfert de 25% des emplois, soit 480 000 sur une autre ligne comptable. Il reste quand même 1 500 000 emplois perdus. 65% proviennent des gains de productivité, nous y reviendrons. Le reste est du domaine de la concurrence. Les délocalisations, elles nous ont fait perdre en réalité 500 000 emplois. Seulement, attention aux idées reçues, les entreprises délocalisées vont pour plus de la moitié d'entre elles vers l'Union européenne et la zone euro. Pour le reste, 30% de nos entreprises se sont dirigées vers la Chine, souvent suite à des achats d'une partie du capital. Le capital français est passé dans d'autres mains. Ce n'est donc pas toujours le montant des salaires et des charges qui font partir nos entreprises. Une des raisons provient du poids et de la complexité du secteur administratif. Une autre, de l'impossibilité de prévoir suite au changement perpétuel, parce que la loi machin détruit la loi truc, qui elle-même avait détruit une autre loi. Impossible d'avoir une vision à long terme lorsque l'État n'indique plus la voie et détruit lui-même la vision qu'il avait imposée la veille. Nul ne peut plus gérer ni son entreprise, ni même le pays. Perte d'emploi due aux gains de productivité et ses conséquences. En France, les gains de productivité sont de 1,6% l'an. Nous devons le traduire par « en dessous de ce chiffre ». En tant que croissance, les emplois sont détruits, même si le volume de la production augmente. La France a donc besoin de 2% de croissance au minimum. Externalisation et ses conséquences. Les emplois passés de l'industrie au service produisent des effets négatifs. L'industrie fabrique des produits à valeur ajoutée, les services moins souvent. Les salaires y sont moins élevés, ce qui prive l'employé de pouvoir d'achat, l'État de rentrée fiscale et les caisses de cotisation. C'est donc un appauvrissement général. Pourquoi l'industrie est-elle en baisse dans nos pays ? Un prix Nobel d'économie affirme que la faute en revient à l'Occident qui aurait perdu la clé de la satisfaction des hommes des besoins humains. Je le dis souvent à ce micro, il existe deux nécessités auxquelles il faut répondre, le besoin et le désir. Ce dernier ayant été oublié, nous en sommes là. Et ce prix Nobel a raison. Quid de l'innovation ? Voilà l'erreur. Elle s'est arrêtée au début des années 60 dans la majorité des pays occidentaux et en début 70 en France. La désindustrialisation qui s'en est suivie ne provient pas d'une erreur, mais d'une volonté politique. Madame Thatcher et Ronald Reagan ont imposé l'ultralibéralisme que nos gouvernants ont accepté. D'après les deux compères, l'avenir était au service et à la haute technologie. L'industrie n'était plus notre affaire. Voilà les résultats de leur néolibéralisme, le déclin. En même temps, ces deux personnages ont imposé un libre-échangisme sans entrave ni frontières, les avantages comparatifs devant nous être favorables. Mais qui a pu penser que nous allions conserver l'innovation et les blouses blanches pendant que les autres se saliraient les mains ? Résultat de ces divagations, nos emplois et nos entreprises ont été siphonnés. Les soupirants du libre-échangisme peuvent raconter ce qu'ils veulent. Nous avons perdu 10% de notre PIB et 10% de nos emplois, alors que ces 10% étaient nécessaires et non pas superflus. Contrat social a été rompu. Notre histoire nationale que les ultralibéraux voulaient effacer, remplacer et notre puissance abandonnée. Et maintenant ? Pour reconquérir notre place, il va falloir non pas attendre de la rue ou de je ne sais quelle application des cris d'orfraie poussés par quelques-uns, mais repousser cette culture de songe creux issue des années 70 et retrousser les manches. L'État-providence n'étant plus en mesure de nous sauver, nous devons sauver l'État-providence pour qu'il puisse un jour sauver nos enfants. Cela passe obligatoirement par une production qui doit dégager de la valeur ajoutée. Attention, il faut savoir que nous vivons en stagnation depuis les Trente Glorieuses et que ce cycle pourrait durer très longtemps. Nous devons repousser la culture des années 70 où l'éthique du travail a été effacée sur certains campus anglo-saxons. Il y a nécessité de repousser l'interdiction du travail et de réinstaller le labeur en tant que valeur. Gagner de l'argent hors de la spéculation, c'est-à-dire en travaillant, a été considéré comme une vulgarité sans nom. Là aussi, l'idée a repoussé. L'argent doit se gagner L'argent doit se gagner en travaillant et chacun doit toucher selon ses heures. Faire des affaires est devenu vulgaire. Mais bon sang, réveillons-nous. Les chèvres dans le Larzac n'ont rien apporté d'autre aux bobos des années 70 que des crottes de bique et des piqûres d'insectes. Osons désigner et combattre le mal absolu, la spéculation, qui a privilégié le court terme au long terme, le casino à la tromperie, le loto au travail. Effaçons par la loi toute possibilité de corruption. Elle touche non seulement le monde politique, mais tous les corps de la société. Voilà le résultat du laissez-faireisme. Le rôle de l'État est d'installer des barrières pour nous protéger du mal. Rendons à l'État ses pouvoirs régaliens. Remettons les chefs d'entreprise partisans du court-termisme à leur place et les propriétaires obligatoirement partisans du long terme à la leur. Qui doit diriger l'entreprise ? L'association du capital et du travail qui avait plus d'avenir que le management ou le marketing, ces mots anglais qui nous ont entraînés vers notre naufrage, formons aussi des stratèges. L'entreprise doit défendre l'intérêt général, c'est son rôle. Or, seul un État fort, accompagné d'un commissariat au plan, peut imposer ce rôle. Effaçons les LBO, les OPA agressives et les fusions-acquisitions qui tuent des milliers d'entreprises, détruisent des millions d'emplois et suppriment des milliards de recettes pour l'État. Leur court termisme est destructeur. Arrêtons les changements trimestriels. Un dirigeant d'entreprise doit avoir devant lui une dizaine d'années pour mener à bien des projets. L'investissement doit être de même durée. Les objectifs trimestriels imposés par les fonds spéculatifs sont contre-productifs. Il faut laisser le temps au temps de remplir sa mission. Il faut arrêter de laisser croire que de jeunes dirigeants d'entreprises peuvent devenir immensément riches en quelques jours. Un métier, cela s'apprend, se peaufine avant d'apporter de la valeur ajoutée. Redéfinir le rôle social de l'entreprise, elle n'est pas un bandit manchot, mais un lieu où naît un projet qui doit être sans cesse amélioré et duquel doit se dégager une vraie valeur ajoutée, mais pour cela, il lui faut du long terme. Et aussi maintenant, bénéficier aux investisseurs, au monde du travail, aux consommateurs et à l'État, c'est-à-dire à nous tous. Le financement à long terme doit être privilégié. Il suffit d'interdire aux établissements financiers de prêter pour spéculer. C'est l'envie de gagner très vite de l'argent qui a suscité le coup de frein mis à l'innovation. Comme on fabrique un artiste en 8 jours, on fabrique une fortune en quelques semaines. Mais à chaque fois, il manque 2 choses, le talent et la solidarité, qui font pourtant la force d'une nation. Nous avons trop importé de produits nouveaux, imposés d'abord par l'Amérique qui, grâce au plan Marshall, a pu nous inonder de ses productions pseudo-artistiques, puis par le Japon qui avait tant photographié nos produits qui a pu les fabriquer sans passer par la case recherche, et aujourd'hui la Chine. Elle n'a rien donné, n'a rien photographié, c'était pas la peine. Car par bateaux entiers, nous avons livré nos technologies, nos savoir-faire. En plus, nous avons mis de l'argent dans la corbeille, nous avons même monté ces usines et formé le petit personnel. Pour sauver le pays, il faut retrouver notre envie de vivre ensemble. Il faut nous fixer un objectif pour que chacun vive bien. Nos élites nous ont entraînés sur une toute autre route, celle de la bonne vie pour quelques privilégiés, celle de l'individualisme avec beaucoup d'égoïsme. C'est la solidarité qui soude la nation. Commençons par réinstaller nos valeurs. Le reste, l'envie d'inventer, de créer, de fabriquer, de peaufiner, d'être les meilleurs, d'être capable de fabriquer de la véritable qualité, tout cela suivra. C'est le pays tout entier qu'il faut rassembler, qu'il faut éduquer, qu'il faut convaincre. Aujourd'hui, le patriotisme est nécessaire et il passe aussi par l'économie. Faisons savoir que l'innovation tire plus de croissance que la productivité. Nous avons choisi la route de la productivité, énorme erreur. Seuls les produits nouveaux renouvellent l'appétit de la consommation qui fonde l'expansion économique. Donc, financement de la recherche sur le long terme, avançons un chiffre et ne soyons pas frileux, R&D doit être égal à 3% du PIB, c'est-à-dire de 60 milliards chaque année, et parce qu'il faut renouveler les produits et les services sans cesse, ça c'est un choix politique. Produisons de nouveaux outils comptables, et surtout des lois qui durent longtemps. Voilà la base du bon système. Si nous ne poissonnons pas ces outils, aucune prévision à long terme n'est possible. Réhabilitons la recherche comme instrument économique. Installons des universités de recherche dans tous les départements. La recherche doit susciter à nouveau la passion, celle qu'elle provoquait avant. Revoyons le statut du chercheur. Ce dernier doit être réhabilité. Un chercheur, c'est une personnalité, comme l'était monsieur l'instituteur ou monsieur le maire. Nous en avons fait les têtes de Turc, autre erreur. Nous avons laissé gagner l'imbécile qui a pu déstabiliser ceux qui possédaient le savoir-faire, qui savaient transmettre, qui avait l'État et la nation chevillés au corps. L'imbécile avait la haine de la société, de l'État, voire du monde. La haine de l'héritage français, c'est-à-dire de notre histoire de France. En réalité, l'imbécile n'avait que la haine de lui-même qu'il a transféré pour tenter de s'en débarrasser. Mais ce n'est pas en le suivant que l'on rassemble et que l'on construit. En parallèle de la promotion de l'État, En parallèle, la promotion de l'État doit rester. La structure de base, les acteurs économiques, les vrais, les sérieux, ceux qui savent que la vie d'un investissement, d'un projet, d'une œuvre, d'une entreprise ne se calcule que sur le long terme. Rappelons nos manufactures qui datent de Henri IV, de Louis XIII, de Louis XIV. Beaucoup ont vécu jusqu'à la frénésie ultralibérale des années 70 s'abattre sur la nation. La France, énorme puissance mondiale, a pendant des siècles mené une politique industrielle qui reposait sur les interventions directes de l'État. Rappelons que c'est cette politique qui a permis, dès 58, de lancer de grands programmes industriels et technologiques, le nucléaire, l'espace, l'aéronautique et l'électronique. Ces politiques, appuyées sur des organismes publics de recherche, sur les grandes entreprises nationalisées et privées, ont bénéficié de prêts et de commandes publiques. Arrive 1964 et le VGE, Valéry Giscard d'Estaing, avec le Toute Europe, avec l'ultralibéralisme, la France abandonne le soutien sectoriel pour se lancer dans le libre fonctionnement des marchés, la libre concurrence, la libre dérégulation, la libre déréglementation, si bien qu'à force d'avoir promu des libertés, ils nous ont enchaînés en nous imposant la dictature des marchés. Priorité à la recherche, son budget doit être égal à 3% du PIB. C'est vrai que l'État a mis des choses en place. Relisons le rapport d'information dont Jacques Myard a été le rapporteur. L'Agence nationale de la recherche, bien, mais l'argent doit aller au laboratoire de recherche et doit récompenser en priorité la qualité. Problème français résumé avec l'Agence de la rénovation industrielle, superbe idée. On crée en août 2005 la 2I. Elle reçoit pour mission de soutenir les grands projets d'innovation qui doivent venir d'initiatives des grandes entreprises. Bravo! Il faut soutenir de grands projets français afin de promouvoir nos grandes entreprises qui, sans une aide forte, se délocaliseront. Oui, mais en 2008, suite au changement de notre politique industrielle, la 2I est fondue dans l'OCO parce qu'il paraît plus urgent d'aider les PME plutôt que les grands projets. Et nous marchons sur la tête. Pendant les 30 Glorieuses, l'État a aidé les grands projets des grandes entreprises qui obligatoirement sollicitent et promeuvent à leur tour les PME. Sans les grandes entreprises, les PME ne sont rien, ne peuvent aboutir à rien. Les deux doivent marcher de concert. Un grand projet, regardons Airbus. Cela dure depuis plus d'un demi-siècle. Nous l'avons promu, il nourrit maintenant des milliers de PME. Et donc, en même temps, ces PME, elles doivent entrer dans l'université ensemble, déposer en leur nom des brevets pour que les résultats de recherche qu'elles ont effectués. Nos laboratoires nationaux doivent participer à ces aides aux PME et aux dépôts de brevets de la même manière. Protégeons l'action de nos PME au marché public français. Pour ce faire, il faudra renégocier les accords de l'OMC. Nos PME doivent, en cas d'équivalence dans une promotion, être privilégiées. La formation ? Nous manquons d'ingénieurs dans certains domaines. Inadmissible. La formation des ingénieurs doit devenir la priorité des priorités. Puisque nous touchons au problème de la formation, n'oublions surtout pas l'apprentissage, qui est une véritable valeur à ajouter. Mettons en place des procédures défensives et seule la loi peut le faire. Depuis les accords de l'OMC et les traités européens, que malheureusement nous avons signés, la France est ouverte aux quatre vents. Mettons en place des clauses de sauvegarde afin de protéger telle ou telle branche de l'industrie. L'investissement étranger peut-il tout acheter, même l'industrie d'armement, comme avec Alstom? Si la sécurité nationale est menacée, c'est à la loi française de protéger l'intérêt et la sécurité nationale. Ces mesures existaient, mais elles ont été effacées par une directive européenne qui est entrée dans notre droit en 2008. Qui sait que la France, puissance militaire à l'échelon mondial, est dans l'incapacité aujourd'hui de fabriquer ses propres fusils d'assaut? Qui sait que ces munitions sont fabriquées dans d'autres pays? Nos fameux fusils FAMAS qui doivent être remplacés le seront par une compagnie étrangère parce que nous avons fermé nos entreprises telles que MAT et MAS. La France doit prendre des mesures nécessaires à la protection de ses intérêts essentiels de sécurité. Jacques Myard le proposait en février 2007, remettons cette proposition sur le métier. Qui se préoccupe de la nationalité réelle des entreprises, de la réelle propriété du capital? La majeure partie des délocalisations de nos entreprises proviennent justement du rachat d'une partie du capital. Alors, déconnectons nos entreprises de la politique industrielle européenne qui n'a privilégié qu'un seul État, l'Allemagne. Alors, s'il est vrai qu'une partie de notre industrie ne reviendra pas, nous devons organiser l'arrivée d'une autre industrie. Et là, nous possédons des atouts, génie du peuple, infrastructures qui n'ont d'égal nulle part, épargne qui suffit de faire passer de la rente vers la production. Revenons aux années 60 avec ces obligations garanties par l'État qui ont financé tous nos grands projets. Notre jeunesse, pourtant tant décriée, est en mesure d'innover, de créer, de fabriquer, de distribuer. Oui, mais elle doit trouver chez elle, en France, une aide. Elle doit trouver chez elle, en France, un État fort pour la protéger, un plan pour la guider, des Français prêts à les aider. L'Amérique, les choses qui se terminent... Le numérique, les choses qui se terminent en hic. La révolution technologique, les jeunes savent faire ou ils sauront faire. Maintenant, il va falloir du courage politique, mais aussi la participation des Français. Je vous remercie. Alors, dans le studio, le député de la Nation, Jacques Myard. Bonjour. Et dans le studio, le professeur de sciences économiques, Jean-Pierre Vesperini. Bonjour. Bonjour, messieurs. Nous avons... vous écoutez donc Radio Courtoisie et nous sommes heureux de vous avoir à l'écoute. Dans une émission enregistrée, si j'ai bien compris. Et dans une émission que j'ai annoncée tout à l'heure comme étant effectivement enregistrée, comme le rappelle le député Jacques Myard. Alors, messieurs, nous allons peut-être faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé depuis le mois de juillet, enfin environ depuis un an. Voilà. Monsieur Jean-Pierre Vesperini, est-ce que vous pourriez nous faire un état de ce qui s'est passé? Alors, il y a eu beaucoup de choses dans l'année, dans le monde d'abord. Le poids des émergents, on ne sait pas trop ce que c'est en train, ce que c'est en train de venir. Le poids des émergents, est-ce qu'il y a un déclin des États-Unis? Vous en parlerez. L'Union européenne qui n'arrive pas à exister, je sens que Jacques Myard va rebondir sur le sujet. Faire fructifier notre marché intérieur. Une Afrique surpeuplée. L'Amérique du Sud, on en parlera aussi avec les problèmes que présente l'Argentine et le Brésil. Pour l'instant, ce qui nous inquiète, c'est surtout où va l'économie, où va l'euro, et qu'est-ce qui va se passer dans tout ça. À vous, Jean-Pierre Vesperini. Bon, merci. Merci. Donc, vous me demandez de dresser un bilan, au fond, de ce qui s'est passé au cours de cette année. Écoutez, c'est assez simple. Je crois que le bilan qu'on peut dresser à la fin de cette année est à peu près le même que celui que j'aurais pu dressé à la fin de l'année dernière, et encore le même que celui que j'aurais dressé l'année d'avant. C'est tout simplement le constat du déclin de la France. Le constat du déclin de la France, je vais vous dire, depuis plusieurs années, j'ai l'impression de vivre un 1940, mais un 1940 au ralenti. C'est-à-dire que 1940, il y a eu l'écroulement du pays en une semaine. Là, nous assistons au fond à l'écroulement du pays, mais progressivement, doucement, sans qu'on en ait clairement conscience, n'est-ce pas ? Et d'une certaine manière, c'est encore plus grave, parce que comme on n'a pas conscience, au fond, vraiment, de ce déclin, il y a la réaction ne se produit pas face à ce déclin. En 1940, il y a eu immédiatement une réaction, il y a eu la réaction, enfin deux réactions, hein, celle des partisans du général de Gaulle, celle des partisans du maréchal Pétain, et chacune de ces réactions a porté, au fond, un espoir. Bon, c'était évidemment dans des conditions extrêmement différentes, mais les gens se sont dit, on a touché le fond, et il faut qu'on reparte, voilà. Bon, là, c'est pas du tout le cas. Le bateau prend l'eau et s'enfonce progressivement, sans qu'il y ait de réaction. Alors, les signes de ce déclin, ils sont absolument multiples, n'est-ce pas ? Enfin, on évoquait simplement quelques-uns. Le premier, d'abord, qui me semble un des plus importants, c'est le départ des jeunes, qui est tout à fait frappant. Le départ des jeunes, tout simplement, enfin des jeunes, justement des jeunes diplômés et qui ont du talent, tout simplement parce qu'ils n'ont plus confiance dans l'avenir du pays et qu'ils estiment au fond que le pays ne récompense pas les talents. Hein. Je citerai un sondage effectué pour la Chambre de commerce. En deux ans, entre janvier 2012 et janvier 2014, la part des jeunes diplômés à la recherche d'emploi qui situent leur avenir professionnel à l'étranger a doublé. Elle est passée de 13% à 27%. Autre signe de déclin, ce sont les entreprises qui quittent notre pays ou qui passent sous contrôle étranger. J'ai pas besoin de rappeler ce dont parlait Henri Foucault à l'instant, c'est-à-dire la perte du contrôle de Pechiney par la faute de la Commission européenne et la perte aussi du contrôle d'Arcelor par manque de défaut de solidarité du Luxembourg qui était à l'époque, dont le Premier ministre à l'époque était M. Juncker. Rappelons-le. Alors cette année, nous avons assisté à l'entrée de capitaux chinois dans Peugeot, et puis la mainmise, au fond, des en entreprise américaine, sur Alstom. Et autre signe de déclin, c'est le fait que les sièges sociaux d'entreprises quittent la France. Nous avons deux exemples récents. C'est celui de Rodia, qui, à l'occasion de sa fusion avec le Belge Solvay, donc, quitte la France. Et le siège de Lafarge, qui, à l'occasion de sa fusion avec le Suisse Holcim, quitte également la France. Donc nous avons le sentiment donc, d'un appauvrissement. Dans le cas, un point que je voudrais signaler, c'est que dans le cas d'Alstom ou dans le cas de Peugeot, ce qui convient de remarquer, c'est que ces deux entreprises avaient besoin d'être recapitalisées et que dans les deux cas, au fond, l'État n'a pas eu les moyens de les recapitaliser. Autrement dit, par exemple, dans le cas de Peugeot, l'État français n'a pas pu faire ce que l'État américain a fait pour Chrysler. Donc nous assistons à une espèce de processus cumulatif d'appauvrissement de notre pays, dans lequel la pauvreté de l'État aboutit à appauvrir le tissu industriel, et ceci donc se cumulant. Et cette pauvreté de l'État, également, nous la constatons dans d'autres domaines, dans le domaine extrêmement important de la défense nationale. Nous voyons que cette pauvreté menace notre défense nationale et tout le potentiel. C'est pas seulement important pour la défense proprement dite, mais pour tout le potentiel industriel et technologique qui se trouve derrière l'effort de défense nationale. Et évidemment, derrière cette menace sur la défense nationale, sur nos capacités scientifiques, c'est finalement le rang de la France, qui, en tant que grande puissance, qui se trouve être menacée. Ce qui est aussi significatif, je trouve, au cours de l'année écoulée, et des années récentes, c'est que nous perdons des sièges sociaux, comme je le disais tout à l'heure. Des entreprises étrangères prennent le contrôle de grandes entreprises françaises, mais on n'observe absolument pas, malheureusement, de mouvement inverse. C'est-à-dire que nous ne voyons pas des grandes entreprises étrangères établir leur siège en France, ou de même, nous ne voyons pas des grandes entreprises françaises prendre le contrôle de grandes entreprises étrangères. Et ceci est tout à fait nouveau, je puis dire, parce que il y a une dizaine d'années, les grandes entreprises françaises prenaient le contrôle de grandes entreprises étrangères. C'est-à-dire que Renault, par exemple, prenait le contrôle de Nissan, ou Pernod Ricard prenait le contrôle de Aliette Domecq, ou Sanofi prenait le contrôle de Aventis. Donc là, nous voyons vraiment des signes, effectivement, de déclin de la France et du rang de la France dans le monde. Voilà. Alors, autre signe de déclin, c'est les pertes continuelles de parts de marché. Depuis 2002 en particulier, depuis plus de 10 ans, chaque année, à deux exceptions près, la croissance de nos exportations a été inférieure à la croissance de nos marchés d'exportation. Hein. En 2013, par exemple, nos marchés d'exportation ont augmenté de 2,1%. Mais nos exportations n'ont augmenté de 0,8%. Autrement dit, nous avons perdu 2,1 moins 0,8, c'est-à-dire 1,3% de part de marché. C'est-à-dire que si nos exportations s'étaient développées au même rythme que les marchés sur lesquels nous exportons, nos exportations auraient dû augmenter de 2,1%. Or, elles n'ont augmenté que de 0,8%. Bon. Même autre signe de déclin, c'est le solde de notre balance courante qui continue à être négatif depuis 2005. C'est-à-dire depuis 2005, notre balance courante est déficitaire, ce qui signifie que notre endettement extérieur augmente chaque année. En 2013, notre balance commerciale a été déficitaire, une balance courante, excusez-moi, oui. des déficits de 1,6% du PIB. En 2012, elle était de 2,2% du PIB. Donc là, nous avons un endettement extérieur qui continue. Les deux phénomènes dont je viens de parler, perte continue de part de marché, solde constamment négatif de la balance courante, sont évidemment le témoignage de l'inadaptation de notre taux de change à l'économie française, enfin, autrement dit, de sa surévaluation, et bien entendu, avec toutes les conséquences que cette perte de marché a sur notre production, donc sur notre emploi, donc sur le chômage, donc sur les recettes publiques, et par conséquent, la richesse, au fond, de l'État. Autre signe de... Est-ce que je peux vous arrêter deux secondes? Oui, je vous en prie. Est-ce que vous pourriez, pour les auditeurs, parce que c'est un peu compliqué pour certains, vous êtes professeur de sciences économiques, mais pas tout le monde, donc est-ce que vous pourriez expliquer la différence qu'il y a entre balance courante et balance commerciale? Merci. Bah, la balance commerciale, ce sont les échanges de biens. La balance courante, c'est en plus les services et les revenus. Voilà. Du tourisme, notamment. Voilà. Par exemple, oui, ils sont très importants pour la France. Voilà. Tout à fait. Alors, donc, autre signe de déclin, je m'arrêterai là, parce que bon, on pourrait continuer, mais je ne veux pas trop déprimer les auditeurs. c'est tout simplement la croissance du PIB. Si nous regardons les résultats de 2013, et que nous regardons simplement les grands pays industriels, hein, c'est-à-dire Allemagne, France, Royaume-Uni, États-Unis, Japon, hein, je mets la Chine de côté, sur les cinq pays que je viens de citer, la France est le pays qui a connu la croissance la plus faible, donc une croissance de 0,2%, alors que le Royaume-Uni a une croissance de 1,7%, les États-Unis 1,9%, le Japon 1,5%, voilà. Et je dois dire que c'était la même chose l'année d'avant, hein, c'est ce que je disais au début, hein, on peut reprendre tous les ans le même bilan. En 2012, notre croissance était de 0, enfin on peut même plus appeler ça de croissance. Oui, c'est plus de la croissance. 0%, c'était 0%. Alors que bon, quand même, les États-Unis étaient à 2,8%. Bon, voilà. Voilà ce que l'on... Sur le problème du déclin, on va peut-être donner la parole aux députés de la Nation, parce qu'en fait, ce sont les députés hein, qui votent la loi et qui font la politique, normalement. Monsieur le député, sur là, ce que vous dire... Là, vous pensez qu'on a vraiment du pouvoir? Non. Excusez-moi. Il y a deux phénomènes qu'il faut prendre en compte. Premièrement, sur laquelle je suis sûr que Jean-Pierre Vespirini va rebondir, qui est effectivement que la macroéconomie n'est plus gouvernée à partir de la France. Deuxièmement, il y a un phénomène que vous avez souligné tout à l'heure d'entrée sur les pays émergents, qui est que nous sommes rentrés de plein pied dans l'ère des puissances relatives. C'est-à-dire que, bien évidemment, au début du XXe siècle, l'Europe existait en tant que puissance commerciale. Les États d'Europe existaient en tant que puissance commerciale. Mais, bien évidemment, ni l'Afrique était, je dirais, un membre actif de l'histoire. Et la Chine était en déclin et l'Inde en déclin. Quant aux États-Unis, ils commençaient à venir. Donc, nous sommes aujourd'hui... le déclin, et c'est là où il y a déclin, je suis d'accord, mais il est relatif, c'est-à-dire qu'il faut le comparer, bien sûr, aux autres forces en puissance. C'est en cela qu'il y a aussi un déclin relatif, mais qu'il y a des causes très profondes, bien évidemment, du déclin, qui sont à la fois la maîtrise des décisions économiques en interne, mais aussi, je dirais, la volonté d'exister en tant que telle. Et je ne suis pas certain aujourd'hui que ce gouvernement veuille exister en tant que tel. Mais je pense que Jean-Pierre Vespirini va compléter son propos. Oui, non, évidemment, Jean-Pierre Vespirini. Tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jacques Mier. Je voulais, en effet, après avoir énoncé un certain nombre de signes de ce déclin. Je voulais maintenant préciser quelles sont, à mon avis, les causes de ce déclin. Et j'en vois essentiellement deux. La première, c'est justement celle que vient d'évoquer Jacques Myard. C'est le fait que la France a perdu les instruments de sa souveraineté économique. Dans la mesure où nous ne disposons plus ni de la maîtrise de notre politique monétaire, ni de la maîtrise de notre politique budgétaire, eh bien, aucun gouvernement, quel qu'il soit, alors qu'il soit de droite ou de gauche, ne peut conduire une politique économique qui soit adaptée aux besoins de l'économie française. Alors, quels sont ces besoins ? Eh bien, c'est évident que il y a un immense besoin de croissance. Pourquoi ? Ben, tout simplement, d'abord pour résorber le chômage, ensuite pour assainir les finances publiques, et surtout pour maintenir le rang de la France dans le monde. Il y a un instant, j'évoquais les problèmes en matière de défense nationale. Il est évident que il faut que les finances publiques soient assainies pour permettre à l'État de jouer son rôle dans l'économie et de manière plus générale, pour jouer son rôle au niveau mondial. Alors, pour obtenir cette croissance, je pense qu'il y a besoin à la fois d'un choc de demande et d'un choc d'offre. Le choc de demande, d'où peut-il venir ? Eh bien, il ne peut évidemment pas venir, dans la situation actuelle, de la demande interne. Pour la raison très simple, c'est qu'il y a eu un tel matraquage fiscal opéré par différents gouvernements, mais principalement par le gouvernement socialiste, tel matraquage fiscal des ménages que on ne peut pas espérer grand-chose du côté de la consommation des ménages. D'autre part, étant donné le niveau extrêmement élevé du chômage, ici encore, c'est un facteur qui est très, très négatif pour la consommation des ménages. Par conséquent, la demande, le choc de demande, ne peut venir que de la demande externe. Et ce choc de demande externe ne peut lui-même venir que d'une très forte dépréciation de notre monnaie, dont je disais tout à l'heure qu'elle était largement surévaluée. Par conséquent, il faut au grand maximum que l'euro ne dépasse pas au grand maximum le seuil de 1,20 $, hein, qui me paraît absolument le maximum de ce que nous pouvons supporter. Alors, maintenant, le choc de demande en lui-même n'est pas suffisant. Il faut évidemment qu'il soit accompagné d'un choc d'offres. Et pour cela, parce qu'en l'état actuel des choses, les entreprises seraient incapables de fournir un très fort accroissement de la production. Donc, il faut absolument pour cela que les entreprises investissent, qu'on permette donc aux entreprises d'investir. Et pour cela, en l'état actuel, les entreprises n'investissent pas. Pourquoi ? Parce que leurs marges sont tombées à des niveaux historiquement bas. Hein. Nous sommes à 28,4% de taux 40, de marge. Hein. On n'a jamais atteint ce taux-là de l'histoire. Par conséquent, il faut absolument relever le taux de marge des entreprises pour leur permettre d'investir. Jean-Pierre Vespéry, vous écoutez Radio Courtoisie, l'émission Le Libre Journal de la France Libre, dans le studio Jacques Myard, député de la Nation, et Jean-Pierre Vespénérini, professeur de sciences économiques. Alors, pour augmenter le taux de marge des entreprises de manière rapide, n'y a pas d'autre solution que d'abaisser les prélèvements sur les entreprises et par conséquent d'abaisser les impôts sur la production qui pèsent sur les entreprises et l'impôt sur les sociétés. Et c'est le taux d'impôt sur les sociétés. Pour ça, j'ai bien conscience que si un gouvernement faisait ça aujourd'hui, évidemment, il élargirait le déficit budgétaire. Mais je pense que c'est un élargissement qui serait temporaire, le temps de relancer l'économie. Ce qui permettrait à ce moment-là de faire à nouveau augmenter les recettes fiscales et donc de réduire le déficit budgétaire. Donc pour ça, ça signifie qu'il faut être capable de s'écarter du sentier budgétaire que nous impose la Commission de Bruxelles. Hein. J'ajoute aussi que, bien entendu, cette politique de relance de l'offre, hein, qui s'opérerait par une baisse des prélèvements fiscaux sur les entreprises, ne fonctionnerait que si elle agissait parallèlement à une relance de la demande opérée par une dépréciation de l'euro. C'est la raison pour laquelle, je disais, et c'est tout à fait important, il faut à la fois maîtriser l'instrument monétaire et l'instrument budgétaire. Si vous avez besoin d'avoir les deux dans votre main pour conduire la politique économique. Hein. Voilà. Sur le sujet, monsieur Jean-Pierre Vesperini, il y a peut-être aussi une autre solution avec les solutions que vous préconisez. Nous avons actuellement, en ce qui concerne nos exportations, c'est 500 milliards, en gros. Hein, et les importations, ce chiffre à peu près à 600 milliards. Il y a une différence, en gros, de 100 milliards tous les ans. Est-ce qu'il serait quand même pas possible que les Français, un jour, prennent conscience de faire attention le plus souvent possible à leurs achats et de préférer l'achat français ? À oui. condition qu'il y ait une offre. Voilà, à condition qu'il y ait une offre. Mais oui. s'il y a une demande, il y aura l'offre. Avec la permission de Jean-Pierre Vesperini, la remarque d'Henri Foucault me rappelle ce qu'expliquait Rueff en 58, lorsqu'il expliquait justement les phénomènes d'importation et exportation et de balance des paiements. Ouais. Et il disait, à chaque fois que les Français achètent une bouteille de whisky, effectivement, ils vont faire peser, je dirais, une sortie de devise pour la France et pas d'entrée. Et donc, moralité, buvez du cognac. Mais il est clair que ce que vous dites, dans une économie totalement ouverte, et me paraît extrêmement difficile, passe totalement par la décision individuelle. Alors, les British, les Grands Bretons, pour ne pas les nommer, avaient lancé un slogan, alors même qu'ils n'étaient pas encore tout à fait dans l'Union européenne, en disant « Buy British », acheter britannique et acheter français aujourd'hui. Ce qui est contraire, d'ailleurs, aux règles de l'Union européenne. Mais vous n'avez pas tort. Le problème, c'est que à ce moment-là, il faut maîtriser les décisions de 45 millions de consommateurs. Et voilà, oui. Mais si on en parle et on en parle sans arrêt, peut-être obtiendrons-nous quelques résultats. C'est quasiment impossible. Oui. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut avoir, et c'est ce que Jean-Pierre est en train d'expliquer, la possibilité d'avoir une économie souple et qui s'ajuste. Oui, tout à fait. Mais rappelons aux auditeurs qui réfléchissent à chaque achat quand même, de voir ce que l'on peut faire entre un produit et puis il y a la qualité française, elle existe, elle est là. J'entends bien, mais si vous achetez aujourd'hui oui. Un poste de télévision, oui. Quel est le fabricant français ? Il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. C'est tout à fait Jean-Pierre Vesperini va nous expliquer ça en oui. détail. Bon, alors j'avais indiqué, je cherchais à voir quelles étaient au fond les causes du déclin pour essayer de voir quelles solutions est-ce que l'on peut adapter pour mettre fin à ce déclin. Et donc la première grande cause, je viens donc de l'évoquer, avec la reprise de la maîtrise des instruments de la politique économique. La seconde grande cause, à mon sens, du déclin, est assez indépendante d'ailleurs d'une certaine manière de la perte de notre souveraineté économique, Cette seconde tourne, elle tient à l'hypertrophie de la sphère publique par rapport à la sphère productive. Je veux dire que la sphère productive est écrasée par les impôts, les charges et les règlements qui sont imposés par la sphère publique. D'où, à mon sens, le manque de dynamisme de notre économie, son appauvrissement et son déclin. Dans un livre récent qui porte un titre tout à fait évocateur, qui s'intitule « Pourquoi je vais quitter la France », l'auteur rappelle que la dépense publique atteint 57% du PIB, et que, il voit ça aussi sur un angle de démographique et de force productive, qui est aussi intéressant, il constate que sur 28 millions de personnes appartenant à la population active en France, 14,5 reçoivent au fond des dépenses qui sont faites par l'État, enfin vivent de l'État. Oui, plus de la moitié de la population active vit de l'État. D'une certaine manière, je pense que nous sommes revenus à l'ancien régime, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il y a une masse de privilégiés qui, au fond, vit aux dépens de ce qu'on appelait autrefois les forces laborieuses. Hein, voilà. Et je veux dire qu'il y a un autre aspect dont il faut tenir compte, qui est encore une faiblesse structurelle de l'économie française, c'est la faiblesse de son taux d'activité. Oui. C'est-à-dire la faiblesse du nombre de personnes dans la population active par rapport à la population en âge de travailler. Et ça aussi, c'est un autre poids très important qui nous rapproche, au fond, également de la structure de l'Ancien Régime. Hein. On a le poids, vous avez un chiffre à nous citer à peu près ? Je ne l'ai pas. Ce serait à peu près 70%, je crois, non ? Oui, j'ai pas le chiffre exact. Jean-Pierre Vespérini, je voudrais simplement dire à quelqu'un, vous êtes en train de nous dire, en définitive, que nous sommes gouvernés soit par des gens de gauche ou des gens de droite qui sont devenus des libéraux et des ultra-libéraux et qu'ils sont en train de socialiser la France. Bah oui, non, elle est déjà socialisée, ça c'est clair, ça fait des années. Donc là, je cite pas les chiffres, mais par exemple, si vous regardez l'évolution du nombre des fonctionnaires, oui. Depuis 1980, justement, enfin, ça commence très fort avec Mitterrand. Hein. Et que vous le comparez à l'évolution dans les pays européens comparables, ben, vous voyez qu'il y a une augmentation beaucoup plus considérable en France qu'en Allemagne. C'est des vannes sociales. L'ouverture de vannes sociales depuis 1981. Voilà, oui. Puis peut-être aussi le transfert aux collectivités territoriales. Mais c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. C'est le nombre de prestations sociales données par les collectivités à l'ensemble de nos concitoyens. Oui. Plus le nombre des fonctionnaires qui a effectivement augmenté dans ce moment. C'est corrélatif. Ouais, c'est corrélatif. Alors, pour modifier cette situation, il est clair qu'il faut réaliser des économies dans la sphère publique. Il faut abaisser les impôts sur la production payés par les entreprises, abaisser le taux de l'IS, de l'impôt sur les sociétés. Il faut abolir l'impôt sur la fortune, qui est une véritable machine à faire fuir les talents. Et l'argent. Et l'argent également. Vous avez tout à fait raison. Il faut également alléger le code du travail. Quand on compare code du travail en France par rapport à ceux des pays voisins, qui sont quand même pas des exploitants excessifs. Il n'y a pas de comparaison, n'est-ce pas ? Il faut également élever l'âge de la retraite. Enfin bon, il y a toute une série de mesures. Vous remarquez d'ailleurs, justement j'évoquais François Mitterrand tout à l'heure, à l'instant, vous remarquez que toutes les mesures que je viens d'évoquer maintenant consistent au fond à se débarrasser de tout l'héritage mitterrandien que nous portons depuis plus de 30 ans et qui est au fond la cause fondamentale du déclin de notre économie. Je remarque également, d'ailleurs, un point plus, plus actuel, que toutes les mesures que je viens d'indiquer ont été évoquées par, par François Fillon dans l'interview qu'il a donnée dans un quotidien cette semaine. Et qu'on peut considérer, je suppose, hein, comme son, son programme présidentiel. Je suis, je dois dire, donc tout à fait d'accord avec toutes les mesures qu'il a évoquées dans cette interview, d'accord, à 100% avec ces mesures. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que on ne trouve pas dans les propositions de François Fillon la question que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la question de la maîtrise des instruments de notre souveraineté. Et je pense que si l'on ne parvient pas au préalable à retrouver les instruments de notre, notre souveraineté, eh bien, on ne pourra pas mettre en œuvre les réformes que je viens de citer, ou citer également François Fillon, ou même si par miracle on arrive à les mettre en œuvre, elles n'auront pas toute l'efficacité, leur efficacité maximale. Jean-Pierre Vesperini, sur le cas, puisque vous parlez, vous évoquez un homme politique, François Fillon, son programme, j'ai lu aussi le même, la même chose, je suis d'accord avec une certaine partie de ce programme, mais il y a quelque chose quand même qui me choque, et qui peut choquer un certain nombre d'entre nous, c'est que cet ancien séguiniste qui était à nos côtés lorsque nous avons commencé à nous battre contre l'européisme béma est rentré en religion européenne, ou semble être rentré en religion européiste. Oui, effectivement, je le constate aussi, et je le déplore, bien évidemment, je le déplore. Mais enfin, maintenant, c'est à lui qu'il faut poser la question de son changement. J'ai toujours l'espoir qu'un jour, il reviendra à ses anciennes amours, mais enfin, bon, nous verrons bien, nous verrons bien. Alors, ce que je voudrais maintenant, après avoir, disons, tiré un peu un bilan des dernières années, de ce qu'on peut faire pour mettre fin à ce déclin, alors ce que je voudrais, c'est quand même donner un aperçu un peu plus précis, au fond, un peu plus précis de la situation de l'économie française donc au milieu de cette année 2014 et de ses perspectives, au fond, à court terme. Alors d'abord, si je commence sur la question de l'emploi, ce que nous constatons, c'est qu'au cours des deux dernières années, en gros, entre le premier trimestre 2012 et le premier trimestre 2014, eh bien, nous avons perdu à peu près 200 000 emplois dans les secteurs marchands, emplois salariés dans les secteurs marchands, donc qui sont passés de 16 millions au premier trimestre et quelques, à 15 millions 8 au premier trimestre 2014. C'est-à-dire que nous sommes revenus, même vraiment là encore, c'est un signe de déclin. Nous sommes revenus au premier trimestre 2014 au même niveau qu'en 2005 dans l'emploi salarié dans les secteurs marchands. Hein. Et au cours des deux années, je disais qu'on a perdu donc 200 000 emplois. Dans les secteurs marchands, tous les secteurs ont perdu, c'est-à-dire qu'il y a 80 000 emplois perdus dans l'industrie, 50 000 dans la construction et 55 000 dans le tertiaire marchand. Bon. Alors, bien évidemment, dans ce contexte de destruction d'emplois, il ne faut pas s'étonner qu'on assiste à une hausse continue du chômage. Si nous regardons les demandes d'emploi à Pôle emploi, elles sont passées en mai 2012 de 2 900 000 à 3 400 000 à peu près en mai 2014. Autrement dit, les deux premières années... j'ai pris 2012 parce que c'est le moment où François Hollande entame son quinquennat. Les deux premières années du quinquennat de François Hollande se sont traduites par une hausse de 500 000 chômeurs dans la catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont absolument pas travaillé au cours du mois. Si nous prenons une catégorie un peu plus élargie, avec les A, B et C, ceux qui ont travaillé plus ou moins 78 heures au cours du mois, là, nous sommes passés de 4,3 millions à 5 millions de chômeurs, c'est-à-dire que une augmentation de 700 000 chômeurs en deux ans, c'est-à-dire en gros une augmentation de 1000 chômeurs par jour. Hein. Si on prend les catégories ABC, c'est 1000 chômeurs par jour. Alors il y a deux éléments simplement qu'on peut noter qui viennent nuancer le tableau, c'est que la croissance du chômage a ralenti, puisque entre mai 2012 et mai 2013, la hausse du chômage en catégorie A était de 30 000 chômeurs par mois. À cause de l'euro. 30 000 chômeurs par mois, oui. Et l'année suivante, c'est-à-dire entre mai 2013 et mai 2014, la hausse du chômage a été de 10 000 par mois. Voilà. Donc il y a un ralentissement de la hausse du chômage, qui est tout à fait normal dans la mesure où la croissance de la production a légèrement accéléré, disons, au cours de cette période. Deuxième élément aussi qu'il faut donner pour lancer le tableau, c'est que le nombre de chômeurs de moins de 25 ans est resté relativement stable dans ce contexte de hausse du chômage. Il augmente simplement de 35 000 en deux ans, soit une hausse de 7%, alors que les chômeurs entre 25 et 49 ans ont augmenté de 250 000, c'est-à-dire une hausse de 14%. Et en revanche, les chômeurs de plus de 50 ans, là, la hausse est de 180 000, c'est-à-dire c'est une hausse de 30%. Est-ce que vous ne pensez pas, Jean-Pierre Respigny, excusez, est-ce que vous ne pensez pas que le chômage des jeunes, qui est en légère diminution... Non, pas diminution, il augmente. Oui, mais excusez-moi. Il augmente moins que dans les autres catégories. Excusez-moi. Mais est-ce que ça ne viendrait pas des aides? Bah oui, bien sûr. Ça vient des emplois publics qui ont été créés. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est totalement artificiel. C'est complètement artificiel, c'est les fameux contrats d'avenir. Que nos auditeurs de Radio Courtoisie comprennent. Oui. Voilà. Alors, quelles sont les perspectives maintenant sur le plan du chômage? Pour comprendre ces questions, je crois qu'il faut toujours partir de la hausse tendancielle de la productivité par emploi. Et pour ma part, j'évalue cette hausse tendancielle maintenant en France de la productivité à 1,4% par an. Hein. Je l'ai cité tout à l'heure, mais à 1,6. J'avais 1,6 comme chiffre. Oui, voilà. Alors, c'est de l'équivalent. C'est de l'équivalent. Alors, on va mettre 1,5. D'ailleurs, tout de suite, je voulais dire, je voulais dire que 1,4, ce ne sont pas des chiffres d'une précision très, très grande. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la productivité, enfin la croissance de la productivité en elle-même est un élément extrêmement volatile, parce qu'elle dépend de la manière dont les entreprises ajustent leurs effectifs à la production. Et puis, deuxièmement, on a un peu de mal à mesurer cette croissance de la productivité parce que nous sortons d'une crise. Et nous pouvons nous demander si cette crise n'a pas détruit les capacités de notre économie à engendrer les croissances de la productivité. C'est la raison pour laquelle, donc, en estimant à 1,4, je me demande même si je ne suis pas un peu optimiste, mais a priori, je ne suis pas, puisque vous donnez un 6. Donc, effectivement. Si nous partons de 1,4, par ailleurs, nous devons tenir compte de la croissance tendancielle de la population active. Et oui. cette croissance est peut-être estimée à 120 000 personnes par an, qui, si elles sont, elles entrent dans le marché du travail, enfin, et ont effectivement un emploi, peuvent accroître donc la production de 0,3% par an, si elles ont la même productivité que la moyenne. Ce qui fait qu'au total, la production potentielle de l'économie française peut être estimée, enfin, pour moi, à 1,4% pour la à cause de la productivité, 0,3% en plus pour la croissance de la population active, donc au total à 1,7% par an. Voilà. Ce qui signifie que si l'économie française croît de 1,7% par an, eh ben, le chômage reste stable. Voilà, il faut. Il faut bien le faire comprendre aux auditeurs, parce que c'est ça la clé du problème. En dessous de ce chiffre, on détruit les emplois. Voilà. Attendez, là, il y a quand même une question. C'est que la croissance de la population, qui représente donc à plus de 120 000 personnes sur le marché, oui, apporte un gain de productivité de 0,3. Oui. Donc, non, il faut un gain pas... de production. De production de 0,3, oui, un gain de production. Mais à ce moment-là, le 1,4 tient compte quand même de cette augmentation de population. Ah non. Le 1,4, c'est la croissance de la population. C'est-à-dire que ça veut dire que si la population reste constante, la production augmente de 1,4% à cause de la productivité. Voilà, c'est ça. Mais là on injecte quand même de la population active en plus. En plus, oui. C'est pour ça qu'il y a 1,4 plus 0,3, c'est-à-dire 1,7. C'est ce qui fait peut-être notre différence d'ailleurs, parce que j'avais peut-être ce chiffre inclus dans mes 1,6. C'est sûrement ça. Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est, ce que vous dites est extrêmement important. Il faut bien que les gens comprennent que le malheur, il est là. Oui, en dessous de 2%, ça signifie que si la croissance de la production est inférieure à 1,7%, il y a hausse du chômage. Tout à fait. Et qu'on ne peut diminuer le chômage que si la croissance de la production est supérieure. À 1,7%. Voilà. Oui, très, très important. Avec, c'est effectivement extrêmement important. Avec cette nuance qu'il faut aborder, c'est que le chiffre de 1,7 que je donne n'est pas forcément toujours. Et il nous faut minimum 2% de croissance. Voilà. Pour être large. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser sur l'évolution future donc du chômage? Eh bien, c'est que il va continuer à augmenter, puisque nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas à 1,7. Là, en 2014, pour cette année, le gouvernement prévoit 1%, mais je pense qu'il est optimiste. Oui. En fait, on n'obtiendra que 0,7%. Pour 2015, le gouvernement prévoit 1,7, et en fait, je pense qu'on aura 1,4. Et par conséquent, le chômage continuera à augmenter en 2015, mais à un rythme beaucoup plus faible, ce qui correspond à ce que je disais tout à l'heure. Tout à fait. Et je pense que en 2016, on devrait atteindre vraisemblablement, on peut espérer atteindre une croissance de 1,7% et par conséquent stabiliser le chômage. Donc voilà, la prévision qu'on peut donner, c'est que le chômage augmente à un rythme de plus en plus faible au cours de l'année 2015 et qui se stabilisera après la fin 2015. Excusez-moi encore, Jean-Pierre. C'est important ce que vous êtes en train de nous dire. Vous êtes en train de nous dire, en définitive, qu'en 2016, on aura arrêté toute progression du chômage. Oui. Et si on continue avec vos chiffres, en 2017, il pourrait reculer. Et en 2017, il pourrait commencer à... Oui. Oui, bien sûr. Mais ce qui pourrait permettre à un candidat au présidentiel de dire, vous voyez, pendant mon quinquennat, j'ai quand même réussi à faire baisser le chômage. Non. Ça, c'est très peu probable. C'est très peu probable parce que, si je retiens mon analyse, mon schéma, le chômage se stabiliserait à la fin 2015, et à la fin 2015, il serait supérieur à 3 millions. Vous avez raison. Il serait supérieur à 3 millions. Moi, dans mon schéma, en 2016-2017, le chômage se stabilise sur un plateau nettement supérieur à 3 millions. Or, quand François Hollande est arrivé au pouvoir, le chômage était égal à 3 millions. D'ailleurs, vous remarquerez que maintenant, François Hollande ne parle plus de baisser le chômage, comme il le disait quand il s'est présenté à l'élection. Il se donne maintenant pour objectif d'atteindre ce niveau de 3 millions de chômeurs. Ah oui. C'est ça maintenant son objectif. Attention aux arguments. C'est-à-dire le niveau qu'il a trouvé au début du quinquennat. Voilà. Donc, voilà. De toute façon, s'il se présente, il trouvera une explication. Oui, bien sûr. Dire que, Il a bien fait. Voilà ce que je voulais dire sur les questions de emploi et chômage. Alors, maintenant, je vais dire un mot d'un problème aussi qui est souvent évoqué, qui est la question des finances publiques, c'est-à-dire du déficit et de la dette publique. Alors, s'agissant du déficit en 2012... Lorsque François Hollande s'était présenté donc à l'élection, il s'était fixé comme but d'atteindre un déficit de 3% du PIB en 2013. C'était l'objectif que lui avait imposé la Commission de Bruxelles. Et donc, comme M. Hollande est un fervent européen... Plus que ça. Il s'est évidemment soumis au verdict de Bruxelles, et il s'est donné comme objectif d'atteindre coûte que coûte ce déficit de 3% en 2013. Et alors pour ça, il a adopté une stratégie assez simpliste pour atteindre cet objectif. Il anticipait que le déficit public serait égal à peu près 4-6% du PIB en 2012. Hein, c'était son anticipation. Donc, comme il voulait atteindre 3% en 2013, il s'est dit, le problème, c'est au fond de réduire le déficit de 4-6% à 3%, c'est-à-dire de 1,6% du PIB, ce qui représente à peu près 32 milliards d'euros. Et alors là, il s'est dit, pour réduire le déficit de 32 milliards, c'est extrêmement simple, je ne vais pas faire d'économie, parce que ce serait contraire à mes promesses, je vais augmenter les impôts. Voilà. Et donc, il a augmenté les impôts de 32 milliards entre 2012 et 2013, et cette augmentation massive des impôts a évidemment cassé la reprise, qui, je le souligne, c'était manifesté en 2011, puisqu'en 2011, la production française, le PIB, a augmenté de 2%. Donc, avec son augmentation massive des impôts, il a complètement cassé la reprise. Et ce qui fait qu'évidemment, il n'a pas obtenu les recettes fiscales qu'il était en droit d'attendre. Les recettes fiscales se sont effondrées. Et donc, il n'a pas réduit le déficit comme il s'y attendait. En fait, le déficit a baissé simplement de 0,6% du PIB, en passant de 4,9%, parce qu'en fait, le déficit final de 2012 a été plus important que ce que François Hollande anticipait, de 4,9% à 4,3%. Voilà. Alors, donc ce que je veux dire, ce qu'on peut reprocher à François Hollande, c'est de n'absolument pas avoir tenu compte des enseignements que nous fournissaient les pays dits du sud de l'Europe, c'est-à-dire l'Espagne, l'Italie, pour ne pas parler de la Grèce, qui aussi... sous le fer de la Commission de Bruxelles, ont appliqué des hausses massives d'impôts qui ont détruit leur économie et qui n'ont pas permis, au fond, sortir, au fond, de la crise, qu'ils ont enfoncé dans la crise. Cette politique d'austérité à tout craint pour respecter les critères de Maastricht est évidemment une erreur. Il aurait fallu tenir compte de la leçon que nous sont donnés les pays de l'Europe du Sud. Bon, quoi qu'il en soit, n'ayant pas atteint son objectif en 2013, François Hollande a quand même eu le bon sens de ne pas trop s'accrocher à la chose, enfin à cet objectif, et il a demandé un report de cet objectif à 2 ans, c'est-à-dire en 2015, ce qui fait que maintenant le nouvel objectif, c'est 3% de déficit public en 2015. Pour ma part, je pense que toute cette problématique est totalement stupide. Qu'elle ne fait que, comme elle l'a fait dans les pays du Sud, que casser la croissance, au fond, de l'économie française et d'atteindre ses capacités productives, d'atteindre, au fond, la croissance potentielle de l'économie française. Bon, quoi qu'il en soit, c'est maintenant le nouvel objectif, 3% du PIB en 2015. Alors, dans le programme que le gouvernement a donné, il prévoit que le déficit public sera de 3,8% en 2014, 3% en 2015, 2%, donc 3% en 2015, bien sûr, hein, c'est l'objectif, 2% en 2016 et 1,3% en 2017. Mais ce programme est associé à des prévisions de croissance du PIB qui sont extrêmement optimistes et qui ont très peu de chances de se réaliser, puisqu'il prévoit 1% de croissance en 2014, 1,7% en 2015 et 2,25% en 2016 et 2017. Donc en réalité, si on prend des prévisions qui sont plus réalistes que celles du gouvernement, c'est-à-dire, pour ma part, c'est 0,7% en 2014 et 1,4% en 2015. À ce moment-là, le déficit public serait de 4% en 2014 et 3,6% en 2015. Voilà. On rappelle quand même qu'1% du PIB, c'est plus de 20 milliards, hein. Oui, bien sûr. Oui. Donc pour que les auditeurs comprennent l'endettement de la France. Alors, maintenant, je viens à la question de l'endettement. Évidemment, la persistance du déficit. Excusez-moi deux secondes. Chers auditeurs, vous écoutez Radio Courtoisie, sont dans le studio Jacques Maire, député de la Nation, et Monsieur Jean-Pierre Vesperini, professeur de sciences économiques. Alors donc, oui, je viens maintenant à la question de la dette publique. Bien évidemment, avec la persistance du déficit public, avec cette persistance, la dette publique a continué à augmenter. En 2011, la dette publique représentait 86,2% du PIB. En 2012, elle représentait 90,6% du PIB. En 2013, 93,5% du PIB. Donc, on a augmenté de 4,4 points. Voilà. 4,4 points en 2012 et 2,9 points en 2013. Alors, en 2014, qu'est-ce que l'on peut penser? J'ai fait un calcul, je ne vais pas détailler, évidemment c'est difficile à la radio de détailler, mais je pense qu'en 2014, la dette publique augmentera encore de 2,3 points de PIB, autrement dit elle va passer de 93,5 à 95,8%. En 2015, je pense qu'elle augmentera encore de 0,9 points de PIB, et donc qu'elle atteindra 96,7% du PIB. Après 2015, je pense que la dette publique va vraisemblablement se stabiliser, à condition que, de respecter trois hypothèses. Première hypothèse, c'est que la croissance évolue bien au rythme tendanciel que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire de 1,6 à 7%. Deuxième hypothèse, c'est que le solde primaire, qui devrait s'annuler en 2016, devienne positif, légèrement positif. Et troisième hypothèse, c'est que le taux de croissance des prix reste fixé autour de 1%. Hein. Autrement dit, que l'on ne tombe pas. Autrement dit, que l'on ne tombe pas en déflation. Donc ça, c'est un autre. Est-ce qu'on y est en déflation? Ah non, non, non. On n'y est pas. Ah non, non, absolument pas. Non, non, on n'est pas en déflation. On n'en est quand même pas loin. On en est. Oui, oui, on en est pas loin, mais. Non, on peut pas dire que nous sommes en déflation. La déflation, c'est quand même 0% de croissance. Et nous sommes à combien actuellement? 0,3 ? 0,2 ? Bah, ça dépend de... Ouais. Ça dépend quel indice vous choisissez. Il y a toutes sortes de... parce qu'il y a toutes sortes de prix. Est-ce que vous considérez les prix à la consommation ou le prix implicite du PIB, ou au contraire, est-ce que vous considérez les prix industriels? Alors effectivement, il y a des secteurs dans lesquels effectivement les prix baissent, oui. Et donc qu'on peut considérer comme étant en déflation. Mais globalement, je pense que globalement, sur le plan global de la nation... on ne peut pas dire que nous soyons en déflation, parce que les prix continuent à augmenter, même si éventuellement les salaires aussi augmentent. Hein. C'est même un des problèmes d'ailleurs des Françaises. Hein. Dites-moi, est-ce qu'on compte l'inflation dans tout ça? Parce que le taux d'inflation est quand même à prendre en considération avec le taux de croissance. Ah ben non, la croissance, c'est différent. C'est nominal. Ouais. Mais c'est que je comprends. Si on a un taux d'inflation de 1% et un taux de croissance de 0,3%... Eh ben, donc vous avez une... Il est déflaté. Oui, la croissance est déflatée, bien non sûr. Bien sûr. Bien sûr. La croissance est déflatée. C'est pour ça, je pense que c'est... On en est là, quand même. Bien sûr. Continuez, excusez-moi de vous avoir... Non, non, mais pas du tout. Absolument. Donc on était là, voilà, il faut faire ces trois... Donc, ce que je voulais dire simplement sur la dette, c'est que moi, personnellement, le problème de la dette ne me... c'est pas, pour moi, c'est pas le gros problème de l'économie française. Hein. Le gros problème de l'économie française, c'est quand même ce dont je parlais tout à l'heure. Oui, c'est oui, oui. Dire, c'est perte de substance productive et son déclin. Oui, oui. Parce que finalement, sur le plan de la dette, effectivement, c'était inquiétant. La progression était inquiétante. Elle est tout à fait spectaculaire. Évidemment, en 2009, en pleine récession, ça a bondi. Donc c'était spectaculaire, mais je crois que dans cette manière, le plus important, ce qui m'a toujours paru sur la question de la dette être le plus important, c'est d'arriver à la stabiliser. Oui. À partir du moment où vous la stabilisez, à ce moment-là, les marchés ont confiance en vous. C'est absolument. Et donc là, il n'y a pas de problème de la dette française, dans la mesure où les marchés ont tout à fait confiance dans la dette française. Je signale que il y a deux ou trois jours, finalement, nous avons atteint sur nos emprunts à 10 ans un plus bas historique à 1,578%. Il faut bien comprendre que c'est même tout à fait extraordinaire. Moi, je veux dire, je suis absolument... Pourquoi et comment? Oui, oui. Sur 10 ans. Oui, sur 10 ans, 1,578%. Ah bon, non. Oui, mais non, attendez. Et en Allemagne, c'est pire. En Allemagne, c'est pire. J'ai vu la conférence de presse de Mario Draghi, où manifestement, il se faisait écharper par les représentants des caisses d'épargne et fonds d'assurance allemands qui voient leur marge, taux d'intérêt s'effondrer. Et donc, qui reprochent, évidemment, à Mario Draghi de mener une politique de baisse des taux d'intérêt. Mais les taux baissent pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il y a surliquidité dans le monde actuellement pour se placer. Oui. Et deuxièmement, parce que les taux à 10 ans, qui sont des taux à investissement, il n'y a pas d'investissement. Donc la demande, je dirais, de cet argent a aussi chuté, que je sache. Oui, oui, oui. Et donc, c'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe en termes. Alors, pour effectivement l'Agence du Trésor qui gère la dette, eh ben, c'est mieux, parce que si jamais ça augmente d'un point, le service de la dette augmente. Mais ça montre aussi qu'il n'y a pas d'investissement d'entreprise dans la zone euro d'une manière générale. Oui. Oui, enfin, cela étant, c'est quand même un phénomène mondial. Hein. Oui, en raison des surliquidités. Oui, c'est ça. En raison des surliquidités, et qu'il y a de l'argent qui veut à tout prix se placer et qui veut acheter tout et n'importe quoi, y compris la dette française, voire grecque. Oui. En plus de ça, il y a quand même un problème, c'est qu'on continue à s'endetter pour payer les intérêts de la dette. Elle tourne, oui. Oui, le jour où on commencera à stabiliser tout ça, on pourra peut-être voir les choses redémarrer. Oui, mais comme le dit Jean-Pierre Vesperini, c'est le point majeur. Oui, non, mais ça, je partage tout à fait. Même si la classe politique, chante à longueur de temps, on ne veut pas laisser. On sait très bien qu'il n'y a que l'inflation qui éradiquera la dette. Point barre. Le reste, c'est la littérature. On est tout à fait d'accord. Jean-Pierre Vesperini, continuez. Allez-y. Alors, je voulais, pour terminer, puisqu'on parlait de la déflation, dire un mot des récentes décisions qui ont été prises par la Banque Centrale Européenne. Ah oui, ça, c'est important. Le 5 juin dernier, qui marque évidemment un tournant, à mon sens, important dans la conduite de la politique monétaire par la Banque Centrale Européenne. Pour plusieurs raisons. Parmi ces décisions, il y a une multiplicité de décisions, c'est pour ça que c'est très important. D'abord, il y a une baisse du taux directeur de la BCE qui est passé de 0,25 à 0,15, ce qui est quand même, là encore, tout à fait extraordinaire. C'est bien, faut que pratiquement l'argent est gratuit pour banques. C'est ça, voilà. À 0,15%. Bon. Ça, c'est le premier point important. Deuxième décision, tout à fait aussi presque révolutionnaire, c'est la décision de ne plus rémunérer les dépôts bancaires, les dépôts des banques auprès de la BCE, mais au contraire, même de leur faire payer un intérêt de 0,10%, c'est-à-dire que les banques perdent 0,10%. Sur les dépôts qu'elle dépose auprès de la BCE, le but étant de les inciter à utiliser leur liquidité pour prêter à l'économie, hein, pour consentir des crédits, pour faire redémarrer l'économie au sein de la zone euro. Bien évidemment, la baisse aussi du taux directeur, je ne l'ai pas dit, mais j'aurais dû le dire, de 0,25 à 0,15, a pour but aussi de relancer le crédit au sein de la zone euro, de faire rendre le crédit moins cher, afin que les gens s'endettent davantage. Bon. Troisième décision de la BCE, c'est le lancement de TLTRO, hein, c'est-à-dire de T pour Target, c'est-à-dire de crédit de liquidité dont les banques pourront disposer auprès de la Banque centrale à condition qu'elles les reprêtent aux entreprises. Hein. Donc là encore, c'est une mesure visant à donner des liquidités pour que les banques fassent davantage de crédit au sein de la zone euro. Alors, il est prévu que la Banque Centrale Européenne mette à la disposition des banques 400 milliards d'euros au cours de deux opérations de TLTRO en septembre et décembre 2014, enfin, de cette année, et qu'elle effectue encore d'autres opérations au cours des années suivantes, et en particulier en mars et juin de l'année prochaine. Bon. Au total, on peut... 200 milliards d'euros, hein, c'est ça ? 400 milliards. 400 en septembre et décembre, voilà. 400 milliards, et au total, on peut penser que, finalement, l'ensemble des TLTRO pourront atteindre 1 000 milliards d'euros. La grande question, parce qu'il nous reste deux minutes. Ah bon. Il nous reste 2 minutes. Là, on a fait 1h30 là. Ah bon, bon, bon. L'heure passe vite. L'heure passe très vite, mais on a été très attentionnés et très intéressés par ce que vous nous dites. Alors, Jean-Pierre Vesperini, ce que je voudrais vous poser comme question, est-ce que Draghi va aller plus loin que ce qu'il a proposé jusqu'à présent, c'est-à-dire vers le rachat des dettes souveraines? Ah ben ça, c'est la grande question. Oui. C'est la grande question que se posent les marchés. Il y a ceux qui pensent qu'il n'ira pas plus loin, et ceux qui pensent qu'il ira plus loin. Alors, je crois que ce qui va être déterminant, à mon sens, sur la politique qui va mener Draghi, c'est savoir si l'Europe tombe ou non, enfin la zone euro tombe ou non en déflation. Voilà. Je crois que si la zone euro ne tombe pas en déflation, il n'ira pas plus loin. Et voilà. Maintenant, je pense que il y a, comme on le disait tout à l'heure avec Jacques Mire, il y a effectivement un risque de déflation. On s'arrête là, Jean-Pierre Vesperini. Ah bon, c'est passé. Oui, excusez-moi. À tout de suite pour nos auditeurs.